posez votre tronçonneuse et écoutez-moi, faut que je vous parle d'un gars génial qui fait des parodies aux États-Unis dont on parle jamais ici. En France, on ne connaît que le clip de Fat parce que c'est le plus compréhensible de tous. Et après ça, personne ne pourrait dire sans hésiter ce qu'il a bien pu faire à part ça. Il a commencé en 1983 avec le clip à la voix qui rôde. Ça a plu aux ricains, ils en ont redemandé. Smells like Nirvana, puis like a surgeon, et Dare to be stupid, ce type s'appelle Weird Al Yankovic. Y'a Jerry Springer, puis y'a Cavity Search, puis Amish Paradise. Ce type s'appelle Weird Al Yankovic. Il fait des versions polka de trucs très connus ou pas. C'est marrant à écouter quand on reconnaît les morceaux. Weird Al Yankovic, Weird Al Yankovic, c'est un type trop marrant. Venez, devenez fan maintenant. Let's go. C'est un type qui porte de très grosses lunettes et puis qui a une moustache ringarde. Il a les veuches frisées comme les Jackson 5 et il joue de l'accordéon à bretelles. Il a fait une dizaine de CD dans les États-Unis et il en a peu vendu en import. Il a parodié les clips de plein de stars au plan près. C'est bien Weird Al Yankovic. Il a tourné son propre film. Il s'appelle UHF. Le DVD est disponible sur la toile de l'internet. Weird Al Yankovic. Yes. Weird Al Yankovic. C'est un type trop marrant. Weird Al Yankovic. Venez devenir fan de temps. Maintenant il a un poil changé. N'a plus de moustache et plus de lunettes. Et il s'est marié avec une top modèle. Si vous le connaissez pas, vous pouvez faire une recherche sur le net et là vous trouverez son site officiel ou les divix de ses clips. Weird Al Yankovic, Weird Al Yankovic. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Weird Al Yankovic. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Weird Al Yankovic. Ah, ok. Weird Al Yankovic. C'est une chanson à lui, ça. Weird Al Yankovic. Allez, joignez le clan de Weird Al Yankovic. Venez dans la ronde. Weird Al Yankovic. Elle ne vous entend pas. Weird Al Yankovic. Ok, je vous entends là. Weird Al Yankovic. Let's go. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic.